Voici maintenant Frédéric Sigrist pour un blockbuster loin d'être tout public. C'est la série The Boys. Amazon Prime diffuse actuellement sa 3e saison. Oui Mathilde, d'ailleurs je conseille aux auditeurs de ne jamais regarder The Boys avec des enfants à côté d'eux sous peine de les voir grandir très très très vite. Moi les miens avant The Boys ils m'appelaient papa, maintenant ils m'appellent Sigrist. The Boys, c'est certes une série de super-héros, mais réservée à des spectateurs qui n'en peuvent plus de leur côté moralisateur et propre sur eux. Pour vous donner une idée, à 44 ans, je n'imaginais pas voir un jour un super-héros devenir plus petit qu'une fourmi pour rentrer dans l'urètre de son amant et lui donner du plaisir. Bon bah, après avoir regardé la 3e saison de The Boys, je peux dire, ah si, ça j'ai déjà vu. Pensée spéciale d'ailleurs au technicien des effets spéciaux qui a dû expliquer à son entourage pendant plusieurs semaines qu'il travaillait sur la confection d'un zizi géant pour les besoins d'une série. The Boys, c'est la version comic book de ces chanteuses Disney, Britney Spears, Miley Cyrus, qui après avoir passé toute leur adolescence à chanter des chansons cucu sur l'amour, l'amitié et la chasteté avant le mariage, n'en peuvent plus et se mettent soudainement à picoler et à twerker en string sur des bananes géantes. The Boys est une sorte de réaction épidermique et juvénile à la soi-disant bien-pensance des super-héros. On est beaucoup plus proche du super Dupont de Gottlieb dans Fluide Glacial, pour les connaisseurs, que du Superman originel. The Boys, c'est l'adaptation d'un comic book du même nom créé par le scénariste Garth Ennis et le dessinateur Darick Robertson. Deux artistes qui ont longtemps travaillé chez Marvel et DC et qui en ont vraisemblablement eu marre du côté mormon de Superman et Captain America. Dans l'univers de The Boys, les super-héros sont corrompus, irresponsables, sont traités comme des stars, méprisent les humains qu'ils sont censés défendre et ne doivent l'amour du public qu'aux conseillers en communication de l'entreprise multinationale Vought qui les voit comme des produits. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la série d'Amazon Prime est aussi une sorte de satire de l'omniprésence des films et séries Marvel et DC sur nos écrans depuis plusieurs années. Mais tout à fait Mathilde. Et si vous vous souvenez des guignols de l'info, il y a un petit côté World Company avec Sylvester Stallone dans The Boys. Tous les grands thèmes qui agitent nos sociétés sont traités dans cette série. Les violences faites aux femmes, le mouvement Black Lives Matter, l'Amérique de Trump, les suprémacistes blancs, la société woke, jusqu'à l'inclusion dans la série d'une version The Boys d'Alexandria Ocasio-Cortez, la figure de proue du Parti démocrate américain. Mais est-ce que cette satire ne donne pas justement un coup de vieux aux autres productions de super-héros plus traditionnelles? Alors, il y aura toujours des spectateurs pour vous dire que plus il y a de sang, de noirceur et de nudité à l'écran, plus une série est adulte. Moi, en ce qui me concerne, je trouve qu'il n'y a rien de plus adolescent que faire des doigts d'honneur sur une photo avec un piercing dans le nez, un t-shirt nos futurs. The Boys, c'est une série de sales gosses qui prend un malin plaisir à te montrer chaque semaine qu'elle a le droit d'aller plus loin qu'ailleurs. C'est rigolo, mais au bout du 25e assassinat au Hugo de Michel, tu peux devenir un peu blasé. Là où The Boys tire vraiment son épingle du jeu, c'est dans l'interprétation d'Anthony Starr, Homelander, le Superman de cette série. Un psychopathe glaçant et omnipotent qui peut partir en vrille en quelques secondes, il est fascinant. Mais aussi dans celle de Giancarlo Esposito, le Gustavo Fring de la série Breaking Bad, le Moff Gideon de la série Mandalorian. Cet acteur que l'on a découvert en France dans un clip de Mylène Farmer, California, réalisé par Abel Ferrara. Giancarlo Esposito qui joue le PDG de la multinationale Vought et qui peut regarder un monstre tel que le Homelander sans sourciller car il sait qu'au bout du compte, les super-pouvoirs ne pèsent rien face au pouvoir de l'économie. Et la vraie subversion de The Boys, elle est là Mathilde. Montrer que même des stars dévoyées, armées de super-pouvoirs, ne pourraient finalement rien contre des multinationales nationale néolibérale. Et que tout ça soit financé par Amazon, ça, c'est vraiment cynique. Frédéric Sigrist, c'était la chronique Blockbuster consacrée à la série The Boys. Et